commence par une histoire, un coup de cœur réciproque. Petit prince rencontre sa belle pour une belle idylle de l'époque. Au début, tout va bien, les oiseaux chantent, l'amour aussi. On se promène main dans la main, on parle d'avenir, d'enfants possibles. On se charrie, on se taquine, on s'appelle tous les quarts d'heure. On apprend à se connaître, on tape des barres pendant des heures. C'est tout ce que l'amour peut rendre, gamin et insouciant. Alors on pense plus à rien, on vit juste l'instant présent. Dans ces moments, on pense pas que la vie peut tourner au cauchemar. On kiffe en se disant que notre couple sera pas. On vit bien loin des embrouilles, des prises de tête pour de Willet. On dit de façon malade fétiche, désormais sera lui-même. Moi j'aimerais que mes enfants t'appellent maman et te respectent. Toi t'aimerais que je sois un père, aimant et architecte. Je me dis parfois que l'on est jeune, que l'on est fou et inconscient. Mais avec toi je sais qu'au fond, je garde ce rêve d'être parent. Si le monde s'éteint, si l'amour est profond, moi je resterai quand même. Et si je meurs demain, ma terre face au chagrin, car je serai là quand même. Si le monde s'éteint, mais si l'amour prend fin, moi je resterai quand même. Et si je meurs demain, bats-toi face au chagrin, car je serai là quand même. Mais comme la vie n'est pas bien faite, les belles histoires ne durent jamais. Petite princesse perd son étoile qui au-dessus d'elle la protégeait. Elle avance tout doucement vers la fin de son conte de fées. Et sa vie prend un triste tournant, ce triste matin d'été. La faute à qui et pourquoi la mort a choisi de l'emporter? Elle qui pourtant n'avait pas vu, elle qui voulait juste rentrer. Excès d'alcool ou d'insouciance, les conséquences sont désastreuses. Ce matin-là, elles étaient quatre, elle a été la moins chanceuse. Alors lui court la retrouver, il court sans s'arrêter. Mais petite princesse s'est éteinte, ouais. Il pleure sa dulcinée, il pleure sans s'arrêter. De plus, il la savait enceinte. En 5 minutes, il a perdu sa raison de vivre et son soleil. Et il n'a même pas eu le temps de lui dire un dernier je t'aime. Petit prince a perdu sa dulcinée, a perdu sa dulcinée. Et si le monde s'éteint, et si l'amour est profond, moi je resterai quand même. Et si je meurs demain, ma terre face au chagrin, car je serai là quand même. Et si le monde s'éteint, et si l'amour est profond, moi je resterai quand même. Et si je meurs demain, bats-toi face au chagrin, car je serai là quand même. Alors petit prince se sent seul et il n'a plus goût à la vie. Il se fout tout, c'est bon la gueule, jusqu'à en friser la folie. Il ne dort plus, ne mange plus, veut juste vivre au paradis. Pour aux gens de celle qu'il rend heureux, il est prêt à donner sa vie. Alors il meurt à petit feu, malgré le soutien de ses proches. Il se dit que désormais, le monde est gris, le monde est moche. Mais petit prince garde l'espoir, l'embrasser de nouveau. Et rattraper le temps perdu quand il la reverra là-haut. Et si le monde s'éteint, et si l'amour est profond, moi je reste. Petit prince. Si je meurs demain, bats-toi face au chagrin, car je serai là quand même. Si le monde s'éteint, mais si l'amour prend fin, moi je resterai quand même. Et si je meurs demain, bats-toi face au chagrin, car je serai là quand même. À tous les petits princes qui ont perdu une princesse, gardez espoir pour elle. Battez-vous sans cesse, ouais. Petit prince, petit prince.